ville, de ta vie. Il nous est né un sauveur qui est le Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence.